aperto, come t'aveva perdito, che? Okay? Oh. C'est bien ça, grand master. Théorie n'a pratique tant qu'on salaka à mi-fil, dans l'amour est bon guité. N'a jugé mal l'amour, tant y a alliance dans mon sapi, l'amour est à la. Makango bolingo eye bana ki fiansa ele lo pete na mosapi wiye ya la mua ya tosa melaka na zambe na panse ayo kite na juje mala moto tia alliance na mosapi l'amour est là. Makango bolingo eye bana ki fiansa ele lo pete na mosapi. Tant salaka à mi-fil, là l'amour est bon guité. La juge à l'amour, totia, alliance dans mon sapi, l'amour est à la. Qui m'a tango, bolingo et yebana. Qui vient saïle, l'opéte dans mon sapi. L'amour a yo tosa bela kana zambe na panse a yo kite. Na juge mal amour totia, alliance na mosapi, l'amour est à la. Qui m'a kamo a lo poligo e yebana. Qui tient sa ele, l'opete na mosapi. Yo a mi firme na lingi yo salawanga Sandy Bella yo moana Agnes Bote zambe, bote mi firme Agnes a bote langa moana oyo. Oh oh oh oh oh. La sombe la capri ye ye ye Ake kende ke zando oh oh oh. Ake kende ke zando oh oh. Ake kende la ye diya era fri era fri. Akende bakoje pepe nyano no. Akende bakikne na sombe la kapi ye ye ye. Akende kesa no oh oh oh. Na funke la ye biya era fri. Akende bakoje pepe nyano no. La sombre la capri, la casse la fouille la yébia et la frie, la quête ma coche et pépé la dodo. Thank you. Mama,